de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousue main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, politique et race en France, un mariage dangereux, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Somani Na. Au départ de cette série, il y a des discriminations, des inégalités, le racisme, la République, des questionnements qui reviennent toujours et cette devise « liberté, égalité, fraternité » qui au moins une fois s'est perdue pour le pire il y a 80 ans, le 3 octobre 1940. Alors pour commencer, les personnages. Un historien qui décrypte, un avocat enquêteur, une archiviste méticuleuse, une historienne sur une piste, un ministre qui se décide, un historien commissionné, Jacques Chirac et son discours, Bousquet, Papon, Tullard et Mitterrand. Ensuite, le décor. La crypte du mémorial de la Shoah, la guerre, le recensement, l'antisémitisme, un fichier, la libération des archives, l'État français, et bien oui, et le racisme d'État. Aujourd'hui, premier épisode, une archive qui pique. Il est bien évident que, à l'heure actuelle, lorsque l'on parle d'un type juif, en réalité, on en a 3 ou 4 dans l'esprit. Et la preuve en est, c'est que les juifs, par exemple d'Alsace, ont un type particulier que vous connaissez bien, ce sont des blancs. Qu'est-ce qu'ils ont de commun avec un juif du Portugal qui ressemble étonnamment à un Portugais ou à un Sicilien? Et il se trouve que les Juifs des différents pays d'Europe qu'on a étudiés très à fond, eh bien, arrivent à se classer au milieu de populations absolument indépendantes par leur origine de la souche israélite. L'affaire du fichier juif par Somani Na et Alain Lefkovitch. Mais qu'est-ce qu'un juif ? Antoine Spire, journaliste, écrivain et éditeur. Est-ce qu'un juif, c'est celui qui pratique la religion juive ? Dans ce cas-là, moi, je la pratique très peu. Je peux peut-être ne pas être considéré comme juif. Où est juif celui qui se réclame de sa culture juive ? Ou qu'il a une marque biologique ? Alors, c'est vrai que nous, les juifs, notamment les garçons, nous sommes circoncis. C'est la raison pour laquelle, pour nous reconnaître, comme vous savez, les vichistes, comme les nazis, nous faisaient baisser notre pantalon pour voir si notre sexe était circoncis ou non. Mais pour les femmes, je me suis souvent demandé comment ils faisaient pour les femmes. Mais pour les femmes, c'est les femmes qui disaient elles-mêmes. Et quand Sartre dit « est juif », celui qui se reconnaît juif dans le regard de l'autre, Sartre dit quelque chose de très important parce que finalement, c'est vrai. La plupart des juifs se reconnaissent comme juifs dans le regard de l'autre et se disent juifs parce qu'ils ont une culture juive, une histoire juive, une tradition juive. Et c'est comme ça qu'on arrivait à les repérer. Alors, l'étoile avait pour but de les mettre à part. Mais vous savez, ça remonte très très loin. Hein. Vous savez que sous Saint-Louis, on devait descendre du trottoir quand on croisait un non-juif. Et les juifs français, donc, à l'époque, portaient la rouelle. Une rouelle qui signalait qu'ils étaient juifs. Mais sinon, moi, il m'arrive très souvent qu'il y a des gens qui disent « Mais vous savez, les juifs, je les repère à 2 mètres. » Et ils ne savaient pas si j'étais juif. Et au bout d'un quart d'heure de discussion, je dis « Et à votre avis, je suis juif ?» Le type me dit « Mais non. » Et puis je dis « Bah si, manque de peau. Vous voyez, moi, je suis juif et depuis des générations et des générations. » Donc, reconnaître les juifs, c'est une drôle d'affaire. Il y en a qui le portent sur leur figure, mais enfin, pas tous. Oh, peut-être 50%, mais les 50 autres pourcents sont très peu distinguables. Donc, la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue. Ils étaient arrivés à l'aube des années 20, après le cataclysme de la Première Guerre mondiale, fuyant les pogroms et l'antisémitisme polonais. Ils s'étaient rencontrés à Paris, s'étaient mariés et avaient eu un fils, mon père, né en 1933. Ils avaient tous été naturalisés, fiers d'être français, d'appartenir à la patrie des droits de l'homme. Certes, il y a eu la loi sur le statut des Juifs d'octobre 1940 et le port obligatoire de l'étoile jaune en juin 42. Certes, ils avaient tous été déchus de leur nationalité, devenant apatrides dans leur propre pays. Mais lorsqu'ils ont été prévenus la veille de la rafle du Veldiv, ils n'y ont pas cru. La France saurait sauver ses Juifs. Alors ils sont restés. Et à 6h du matin, la police française est arrivée pour les emmener. Ce jour-là, c'est la bienveillance d'un policier qui les a tous sauvés. Mais quelques semaines plus tard, ils étaient tous arrêtés et internés dans le camp de Douadic, dans l'Indre, un centre de ramassage, de triage, pour séparer les déportables de ceux qui pouvaient bénéficier d'exemption. Ils ont eu de la chance. Les fiches d'Hélène, de Joseph et du petit Maurice sont certainement parmi les fiches retrouvées par Serge Klarsfeld en 1991, celles du grand fichier juif, le fichier Tullard, du nom d'André Tullard, haut fonctionnaire d'État, responsable du recensement des Juifs. Un fichier qu'on croyait détruit après la circulaire du 6 décembre 1946, qui ordonnait la destruction de toutes les pièces fondées sur une discrimination de caractère racial. Une véritable affaire d'État éclatait alors. Comment on fait pour savoir qui est juif en France? Il n'y a pas moyen. Laurent Joly, historien de l'antisémitisme sous le gouvernement de Vichy. La France est l'un des rares pays au monde où on ne fait même pas mention de votre religion sur vos papiers d'identité, dans les formulaires concernant les étrangers. Il y a vraiment une tradition en France, à la fois laïque, ça c'est une rareté mondiale, et aussi une indifférence, une fois que vous êtes français, à vos origines. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le moule républicain. Et d'ailleurs, quand les Allemands vont arriver en France, ils sont très embêtés, parce que c'est pour l'occupant, ce sera source de problèmes. Donc le seul moyen de faire, les Allemands vont faire fin septembre 1940, vont faire une loi, enfin c'est une ordonnance, puisque l'occupant fait des ordonnances en zone occupée, pour obliger les gens juifs, les juifs de se recenser. Voilà. Il faut donc que les Français comprennent qu'ils n'ont pas à avoir cette espèce de sensiblerie dangereuse en l'espèce, mais qu'au contraire, c'est pour eux, c'est dans leur intérêt que cette mesure est prise. Mais naturellement, supposez que demain, 1 million de peaux-rouges soient répandus sur notre sol. Le public se dirait, mais tout de même, il y a un danger pour notre race ou notre ethnie française. Mais le juif ayant la peau tout à fait semblable à la nôtre, les gens n'ont pas aperçu le danger qui est réel. Donc Vichy, le régime, ce qu'on appelle le régime de Vichy, le gouvernement du maréchal Pétain, lui, va faire une loi qui est en quelque sorte parallèle aux mesures allemandes, qui vont les compléter, qui répondent à d'autres logiques. La logique de l'antisémitisme français, c'est de considérer qu'il y a en France une influence nocive des juifs dans l'État. Et donc là, des antisémites vont dire il faut vraiment un statut, c'est un terme qui remonte à l'Ancien Régime, et des antisémites vont proposer de faire un statut pour les juifs. Bon, c'est des gens très marginaux, mais malgré tout, ils ont quand même une audience, comme Charles Maurras. Maurras est royaliste, et le statut des juifs pour Maurras consiste à dénaturaliser les juifs. On revient à ce que la Révolution française a fait. Les juifs ne sont plus français, ils sont sujets du roi de France, voilà l'idée de Charles Maurras. Mais vous avez d'autres personnes qui disent, ben, il faut être plus pragmatique, et un statut des juifs, ça consisterait à empêcher les juifs d'accéder à des postes, à influence. Plus de juifs dans l'État, plus de juifs dans l'armée, plus de juifs dans la magistrature. Voilà l'idée. On pose d'abord une définition de juif, d'un point de vue racial. Et juif, toute personne qui a plus de 3 grands-parents de race juive, ou 2 grands-parents de race juive, si son conjoint est lui-même juif. Donc ça, c'est la définition de Vichy, mais cette définition de Vichy s'inspire littéralement de la définition des lois de Nuremberg. Les juifs se sont fait recenser sous peine de sanctions. Serge Klarsfeld, avocat, historien, chasseur de nazis et fondateur de l'association des fils et filles de déportés juifs de France. Ils sont donc allés partout où ils devaient aller, à Paris ou en province, et ils ont rempli un formulaire. Le formulaire concerné était rempli par le chef de famille. Le chef de famille, celui qui était marié, qui avait des enfants ou simplement une épouse ou... Les célibataires, à partir de 21 ans, chacun devait remplir ce formulaire. À partir de là, on faisait des sous-fichiers, un fichier familial et des sous-fichiers, un fichier alphabétique, un fichier par profession, un fichier par nationalité et par adresse. Alors s'il fallait arrêter quelqu'un parce qu'il était coiffeur, il y avait le fichier des professions. S'il fallait arrêter les juifs qui étaient grecs, il y avait par nationalité. S'il fallait arrêter les gens de l'avenue de Breteuil, il y avait tous les gens de l'avenue de Breteuil. Et il y avait le fichier alphabétique en plus. Si vous voulez qu'on parle du fichier devant le fichier, il faut qu'on descende dans la crypte qui se trouve derrière vous. Voilà, donc on se trouve dans l'espace qui a été aménagé tout à fait spécifiquement pour qu'on puisse y installer les fichiers. Voilà. C'est le fichier bleu, bien bleu, pour Emmanuel Esquisse-Lorange, qui donc lui est français. Karen Taïeb, responsable des archives au mémorial de la Shoah. Alors ça c'est intéressant, c'est qu'on apprend avec le tampon qui est porté. Il a donc été naturalisé français, on ne sait pas quand, mais que la nationalité française lui est retirée par un décret qui est publié le 12 février 1942, et publié au journal officiel, etc. Albert Espérance a été déporté. Ça, c'est la date de déportation, le 21 août 1942. Alors, il y a des choses qui avaient été prévues au départ, des champs d'informations qui avaient été prévues, qui ne sont quasiment jamais remplis ou peu remplis. Mais j'imagine, au moment où on conçoit, là, indépendamment du support, du sujet qui est en question, quand on crée un document au départ, on l'imagine d'une certaine manière pour pouvoir l'utiliser ensuite. Vous imaginez que vous allez avoir besoin de 10 champs pour décrire votre document, et au bout d'une semaine de travail, vous allez dire un 11e champ avec telle information m'aurait été fortement utile. Donc vous l'amendez, vous le corrigez. Et puis par contre, une des choses que vous pensiez noter régulièrement, il s'avère que vous n'arrivez pas à trouver l'information systématique, donc du coup vous l'abandonnez parce que ça n'est plus utile. Bon, alors bien sûr, on retranspose ça avec cette matière tout à fait particulière qui sont les Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc évidemment ça prend un tout autre sens, mais il faut à la fois avoir conscience des éléments pratiques, techniques d'un document indépendamment de ce pour quoi il est fait, pour pouvoir aussi expliquer la manière dont il a fonctionné. Voilà, ça c'est entièrement manuscrit, celle-ci porte très peu d'informations. Ça, on pourrait y passer des heures. Donc ce service, il est tenu à jour jusqu'à la libération, jusqu'à l'été 1944. On sait que sur les 150 000 juifs qui ont été recensés en 1940, on a près de 40 000 qui ont été arrêtés et déportés. Les fiches sont notées. Donc vous avez à la libération un outil formidable qui permet de savoir ce que les victimes sont devenues. Donc les nouvelles autorités républicaines qui prennent le contrôle de la préfecture de police de Paris, qui vont voir arriver dans leur bureau des gens dès la libération qui veulent avoir des certificats de déportation, enfin pas de déportation, mais certificats que leurs parents, leur épouse, leurs enfants ne sont plus là. C'est parce qu'on a besoin pour des pensions, pour plein de choses. Donc on va créer un service à la préfecture de police de Paris qui va s'occuper de ça. Donc, ce service de liquidation, il va travailler, il va faire des attestations, il va continuer à tenir à jour les fiches, et ça va marcher jusque en 1946. En 1946, le ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Tixier, qui est un socialiste, qui est un républicain, il se réveille et il se dit « Tiens, c'est quand même pas normal qu'on ait dans les services de notre administration, qu'on ait des documents qui font une discrimination, donc on doit éliminer ces documents, on doit les détruire. » Un mois après, là on est en décembre 1946, un mois après, il fait une autre circulaire pour dire « Attention, ne détruisons pas tout, parce qu'il peut y avoir des pièces qui peuvent servir aux gens pour leur donner des droits. » C'est pour ça que le fichier juif va être débarrassé. Donc le fichier juif, c'est le fichier général de 1940, qui a été tenu à jour jusqu'en 1944. C'est le fichier de contrôle, mais on a gardé donc le fichier juif réduit aux gens qui ont été arrêtés et déportés. Donc ça fait des dizaines de milliers de fiches qui ont été conservées. La préfecture de police de Paris les a gardées jusqu'en 1947, et puis en 1947, c'est le ministère des anciens combattants, donc il s'occupe de toutes les personnes qui ont des droits, les résistants, les prisonniers de guerre, etc. Ce service chapeaute tout et va prendre aussi ce fichier, donc ces fichiers, il y en a plusieurs, y compris les fichiers de Bonne-la-Rolande, enfin, on a aussi le fichier de Drancy, enfin, on a comme ça une demi-douzaine de fichiers que le ministère des anciens combattants va gérer, va utiliser, sans vraiment savoir ce que c'est. Et ces fichiers, eh ben, ils ont été utilisés pour donner des droits aux gens, mais pas pour faire le travail d'historien. En 1965-66, quand les premiers chercheurs qui veulent travailler sur la rave du Veldiv s'informent, on leur dit « non, il n'y a rien, il n'y a rien qui peut vous intéresser ». Début des années 70, très curieusement, autorisation d'accès à deux étudiants en maîtrise qui veulent faire un travail de sociologie. Alors eux, on leur donne, très curieusement, c'est les seuls qui ont accès. Mais en revanche, quand Serge Klarsfeld fait son mémorial dans les années 70, il aurait eu bien besoin pour affiner les adresses, un certain nombre d'informations, on lui dit niet. Il n'a pas accès à ça. Donc évidemment, il n'est pas content. Donc, on sait que peut-être ça existe. C'est un peu scandaleux que ça ne soit pas connu, que... Et vient le scandale. Madame, monsieur, bonsoir. Le fichier des Juifs parisiens, établi en 1940 par les autorités françaises, a été retrouvé dans les archives du ministère des anciens combattants. C'est l'avocat Serge Klarsfeld qui l'a retrouvé, alors qu'on le disait perdu ou détruit depuis 50 ans. C'est ce fichier qui aurait servi aux rafles de 41 et 42. Moi, je me disais... Il a disparu, mais il existe quelque part. Et il y a eu une recherche du fichier. Et Louis Joinet, qui a été directeur des services civils de la CNIL, l'a recherché à partir des années 80, ne l'a pas trouvé, a posé la question à tous les services officiels, et nulle part, en particulier au ministère des anciens combattants, et on lui a répondu, il n'y a pas de fichier. Et moi, dans ma recherche des documents, parce que j'ai, en 1978, publié le mémorial de la déportation des Juifs de France, c'est-à-dire la première fois le listing de la déportation, à partir des listes qui existaient au mémorial du martyr juif inconnu, qui étaient des doubles, mais des carbones peu lisibles pour la plupart. Donc, j'ai fait ce listing, mais je voulais améliorer le listing. Et immédiatement, j'ai couru aux archives du ministère des anciens combattants, en septembre 1991, et j'ai demandé l'inventaire. Et on m'a apporté l'inventaire, et je vois ma stupéfaction dans l'inventaire, écrit « Grand fichier établi par la préfecture de police en octobre 1940 ». Alors j'ai dit, apportez-moi une fiche. On m'a apporté une fiche, mon émotion était très grande, parce que j'ai regardé la fiche, j'ai regardé d'abord l'imprimeur. La fiche était imprimée en 1940, il y avait la référence de la fiche, 40, il y avait le nom, etc. Donc c'était une fiche du fichier de 1940. Et donc, je suis sorti et j'ai prévenu Louis Joinet, qui à ce moment-là était au cabinet du ministre, je crois, de la Justice ou de l'Intérieur, de l'un ou l'autre. Et je l'ai prévenu et je lui ai dit « Allez-y, moi je ne rendrai l'information publique que lorsque vous y serez allé et lorsque vous m'aurez confirmé que c'est bien le fichier des Juifs ». Tout le monde, il n'y avait aucun doute. On savait que le fichier avait été retrouvé par Klarsfeld, était le fichier juif de la région parisienne établi par la préfecture de police, dirigée à l'époque par Tullard. Donc on l'appelait le fichier Tullard. Sonia Combe, historienne de l'histoire contemporaine des pays de l'Est. J'ai fait l'enquête auprès des institutions. Alors là, les archives des anciens combattants, j'ai eu beaucoup de mal à avoir un entretien. Mais finalement, je l'ai eu, et au terme de deux heures peut-être de questions, alors qu'il niait l'avoir caché, ils ont enfin lâché le grand mot. C'est-à-dire que, mais nous, on savait qu'on l'avait. Alors, on le cachait pas. Vous voyez, ils comprenaient même pas qu'en ne l'inscrivant pas dans un inventaire destiné au public, il était caché, le fichier, qu'on pouvait pas le retrouver. Bien plus importante et bien plus, comment dirais-je, responsable, c'était les archives de France. Alors, les archives nationales savaient que ce fichier existait, enfin à un certain niveau, d'autant plus qu'ils en avaient fait un microfilm, qui était arrivé un an auparavant. Alors c'était des appellations changées, vous savez, c'était alors c'était fichier, sous-fichier de Drancy, ou fichier, enfin jamais c'était marqué fichier Tullard, par exemple, qui aurait été clair pour tout le monde, vous voyez. Mais c'est là où j'ai compris qu'en fait c'était une pratique dans les archives qu'ils avaient complètement naturalisée, comme aurait dit Bourdieu. Ils l'avaient intériorisée, donc ils ne comprenaient même pas à quel point ils occultaient un document, et pas n'importe quel document. Alors, il y avait une part, à la fois, si vous voulez, de méconnaissance de ce qu'ils faisaient dans la pratique, parce que pour eux, c'était habituel, c'était l'habitus qu'ils avaient emporté. Il y avait une part d'indifférence, faut bien le dire, à ce que représentait le fichier des Juifs, et puis il y avait une part de sentiment de « ça peut nuire à la France, quand même, ce qu'on a fait là ». Donc, on avait là, en fait, un fichier dérivé du fichier principal établi en octobre 40. Fichier des victimes, oui, c'était les fichiers des personnes arrêtées. Ah oui, le terme était juste. C'était les fichiers des Juifs déportés par la police de Vichy, sur ordre des Allemands, je suis bien d'accord. Mais il s'agissait bien d'une partie de ce fichier, dit le fichier du Gros Paris. C'était pas un scandale d'avoir gardé le fichier, mais le fichier juif symbolise tellement l'horreur de la persécution que on a peur d'un scandale. Dire, regardez, l'État a conservé le fichier des Juifs, vous rendez compte. Donc, Jacques Lang veut pas d'abord dire, ben, nous on va faire la transparence là-dessus et on va confier ça à une commission qui va éclairer ça. Le débat prit un tour passionnel. Jacques Lang, ancien ministre de la Culture et actuel président de l'Institut du Monde Arabe. Qui m'a conduit à ce moment-là, en tant que ministre chargé des archives, à tenter d'y voir clair. Et il m'a semblé, je crois avoir fait le bon choix, qu'il fallait faire appel à une personnalité incontestable pour tenter de respecter, d'analyser, de vérifier et de retrouver éventuellement ces fichiers. Et j'ai fait appel au professeur René Raymond, une personnalité assez remarquable, d'une honnêteté indiscutable et très reconnue. Et René Raymond a accepté de conduire cette mission. On nomme une commission pour s'occuper de l'affaire. Alors ça, c'est le principe classique. Hein. Quand on veut qu'un objet trop brûlant perde son actualité, hein, on crée un temps de latence, c'est-à-dire qu'on crée une commission. Alors, on met René Raymond donc à la tête, qui était déjà auréolé d'un certain prestige auprès, je dois dire, des intellectuels plutôt de gauche, parce que sinon, il n'était pas en odeur de sainteté, on va dire ça. On va s'amuser quand même avec ce terme. Parce qu'il avait dirigé la commission Touvier. Alors, la commission Touvier, c'était autour de ce milicien qui avait été protégé par l'Église. Et il avait fait un rapport dans lequel, en termes très sévères, il condamnait le petit clergé qui avait aidé Touvier. Et tout ça pour mieux exonérer, je pense, la hiérarchie. Enfin, et moi, ça m'avait frappé. Je me souviens, les collègues disaient, ben quand même, chapeau, René Raymond qui va à la messe tous les dimanches. Là, il a eu le courage de dénoncer l'Église. Et moi qui, je dois dire, c'était comme ça, je me souviens très bien, j'avais dit spontanément, oui, mais c'est le petit clergé quand même qui en prend plein la tête. Hein. C'est pas l'Église, elle est sauvée comme institution, l'Église. Et ça, je crois, je l'ai compris par la manière dont je voyais fonctionner quand même René Raymond dans ses commissions. Il était à la tête de tout ce qui portait le nom d'histoire contemporaine en France. Hein. Il y aurait eu un club de foot des historiens du contemporain, ils auraient été le président. La commission a été créée précisément, je dirais, pour réagir à l'article de Serge Klarsfeld. André Caspi, historien, ancien membre de la commission Raymond. Oh, exactement, l'article n'est pas de Serge Klarsfeld. Hein. L'article est sur Serge Klarsfeld. C'est-à-dire qu'au fond, cette commission avait pour but de réfléchir à la politique qu'avait suivie le ministère des anciens combattants, si oui ou non, Klarsfeld avait découvert le fichier, et dans ce cas-là, si oui ou non, le ministère des anciens combattants avait menti en disant que le fichier avait été détruit. Donc la commission avait pour but de savoir d'abord si la révélation de Klarsfeld correspondait à la réalité, premièrement, et deuxièmement, si elle correspondait à la réalité, pourquoi le fichier n'avait-il pas été supprimé? Pourquoi le conservait-on? Et pourquoi soutenait-on que ce fichier avait disparu s'il existait encore? C'est-à-dire qu'au fond, non seulement il y aurait eu une faute de l'État après le conflit, mais il y aurait eu mensonge, je le répète, de la part de l'État qui, presque 50 ans plus tard, aurait encore entre dans ses archives des pièces qui correspondaient précisément à ce qui est interdit en France, parce que en France, on ne fait pas le relevé des hommes et des femmes qui appartiennent à une religion ou qui ont un état civil particulier. Il y a des règles, il y a des lois, et la loi interdit de tenir un fichier des Juifs. C'est en fait seulement le fichier des Juifs qui ont été inquiétés, arrêtés et déportés. René Raymond. Quant au fichier, alors, celui qui intrigue et celui dont la présumée découverte a provoqué l'an dernier un mouvement d'émotion, nous avons acquis depuis quelque temps, grâce à la communication des pièces administratives de la brigade de police, qu'il a fait l'objet d'une destruction complète en 1948 et en 1949. Donc là, je demande d'avoir accès à ces preuves. Je veux voir. Parce qu'à la limite, je me disais, bon, peut-être, après tout. Moi, j'avais vu le fichier, mais in extremis, j'avais vu la veille de son transfert. J'étais allé aux archives d'anciens combattants. J'avais vu le jeu des quatre fiches. J'avais vu, bon, j'avais interviewé des gens qui avaient réussi à avoir des copies de leurs fiches aussi, etc. Donc, je connaissais ce document. Je voyais qu'il avait été fait par l'imprimerie Chex en 1940, etc. Les fiches. Alors, que dit René Raymond? En fait, il nous sort une thèse comme ça, mais c'est la thèse qui aura cet effet d'annonce dans l'espace public. Avant d'apporter les preuves, ils disent « c'est pas du tout ce fichier, n'est pas le fichier des Juifs, et c'est un fichier de victimes ». Alors là, on avait l'impression qu'ils avaient la main sur le cœur. Un fichier de victimes. Ils se sont convaincus que ce n'était pas le fichier juif. Donc il fallait qu'on invente un autre fichier. Ils ont vraiment inventé des fichiers qui n'existait pas, dont on voit aucune trace. Moi, j'ai jamais vu dans les archives trace d'un fichier des Juifs arrêtés. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu. Ils ont inventé des fichiers qui n'existaient pas. Parce qu'ils comprenaient pas ce qu'ils avaient sous les yeux. Ce qu'ils avaient sous les yeux, c'était ce que je vous ai dit, c'était le fichier général de l'époque, mais réduit aux fiches des gens qui avaient été arrêtés et déportés. C'est-à-dire qu'ils ont même pas bien... Alors là, c'est vrai que c'est un peu dur de dire ça, mais c'est vrai. Il y avait quand même... Ils les ont vus, ces circulaires. On voit très bien que le ministre de l'Intérieur, en 1947, dit « On va garder quand même les archives des gens qui devenaient des droits. » Donc on voit très bien que on a pu garder des fiches de gens qui avaient été arrêtés et déportés. Donc, de la même façon, quand on regarde les inventaires, ils les ont eus, ces inventaires de transmission. Eux-mêmes les ont publiés, c'est ça qui est en annexe. On voit très bien que c'est très clair. Le fichier général, en partie, donc on en avait une partie du fichier général, le fichier de contrôle, en partie, le fichier des enfants est intégral, pour le coup, c'est un autre fichier qui est extrêmement utile aussi pour les chercheurs. Donc, je dirais, les inventaires le disaient. Donc, la raison principale, c'est ça, c'est-à-dire qu'on leur a donné en avance une conclusion, il fallait, entre guillemets, défendre l'État. Je dis entre guillemets parce que ils étaient de bonne foi. Dire, ce sont des historiens qui ne sont pas des historiens malhonnêtes, c'est des historiens de très grande valeur. Mais là, je pense que dans le contexte de polémique avec Serge Klarsfeld, et puis Serge Klarsfeld, c'est quelqu'un qui est un combattant. C'est-à-dire que quand il veut avoir gain de cause, il n'hésite pas. C'est vrai que les tribunes, la manière dont il a insulté ces historiens, René Raymond, André Caspi, Jean-Pierre Azama, il leur a envoyé vraiment des... Quand je vois les tribunes, il y allait pas par le dos de la cuillère, et donc on peut comprendre qu'ils aient été vexés, et qu'ils aient voulu, voilà, inconsciemment démontrer que Clarkson avait tort. Si ce fichier n'avait pas été détruit, c'était la preuve que l'État détenait une pièce qui, en principe, aurait dû disparaître à la Libération. Donc c'était la mise en accusation des propos de l'État. Et c'est pour cela que au ministère des anciens combattants, on s'inquiétait beaucoup, on considérait en somme que l'État avait failli, qu'il n'avait pas respecté sa parole, qu'il était coupable. Donc est-ce que l'État, en France, en 1991, était coupable de n'avoir pas supprimé le fichier qui datait des années de la guerre. Monsieur le Président, vous allez demain commémorer un triste anniversaire, celui de la déportation des Juifs, donc de la rafle du Vel'd'Hiv. Vous savez que certains attendent de l'État français qu'il reconnaisse sa responsabilité dans ces crimes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, François Mitterrand? Il me demande que l'État français, mais l'État français, si j'ose dire, ça n'existe pas. Enfin, il y a la République. Non, monsieur Hamar, il y a la République. Et la première République, parmi les premiers gestes, en tout cas révolutionnaires, c'était la reconnaissance, non plus d'un statut des Juifs en France, mais que les Juifs français étaient français. C'est-à-dire que ça a été une mesure révolutionnaire et essentiellement républicaine. Et la République, à travers toute son histoire, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième, ont constamment adopté une attitude totalement ouverte pour considérer que les droits des citoyens devaient être appliqués à toute personne reconnue comme citoyen, et en particulier les Juifs français. Non, alors, ne lui demandez pas de compte à cette République. Elle a fait ce qu'elle devait. Doit-on considérer que les actions menées par le régime de Vichy, et en particulier les rafles, la rafle du Vel'd'Hiv, sont des actions imputables à un régime ou une action ou des actions imputables à la République ou à un État? C'est bien sûr la République française, il faudrait dire, et non pas l'État français. Donc ça veut dire que quand vous dites l'État français, c'est que vous faites allusion à l'autorité vichysoise, et quand vous dites la République française, c'est que vous faites vous traitez en somme des liens qui unissent la nation française à son peuple par ses institutions qui sont des institutions républicaines depuis 1871. Alors maintenant, la question que vous évoquez, c'est une question délicate, parce que d'un côté, en 1995, le nouveau président de la République, Jacques Chirac, sur les conseils de Serge Klarsfeld, a précisément dénoncé la politique antisémite de la France. C'est la France elle-même qui est responsable. Et la question qui se pose, c'est de savoir si oui ou non, on peut considérer que la France de Vichy, c'est la France. Il y a deux possibilités. Ou bien c'est la continuité, Vichy c'est la continuité de la Troisième République, et par conséquent c'est l'ancêtre de la Quatrième et de la Cinquième République. Dans ce cas-là, c'est la position de Jacques Chirac. Mais si on défend cette position-là, comment soutenir les déclarations du général de Gaulle, qui estimait dès l'appel du 18 juin 1940, que la France n'était plus à Vichy, mais que la France était à Londres et qu'elle se battait, et qu'en conséquence, Vichy n'était plus la France. Alors, ou bien Vichy est la France, et dans ce cas-là, il y a une continuité, et, ou bien Vichy n'est plus la France. C'est peut-être aussi simple que cela, et ce qui complique la vie, c'est que, comme chacun sait, Jacques Chirac était gaulliste, et qu'il prend une position qui n'est pas gaulliste. Mitterrand était anti-gaulliste et il prend une position qui est gaulliste. Donc c'est un moment de polémique où à la fois vous avez des militants de la mémoire qui disent il faut que la France reconnaisse que l'État français... Alors, en plus, on peut dire l'État français. Si vous dites l'État français, c'est assez facile, puisque l'État français, c'est à la fois le nom de Vichy, et puis c'est aussi l'État français. Vous voyez, c'est... Donc il y avait moyen de s'en sortir de ces polémiques, de dire, bah oui, ce qu'a dit Chirac, qu'on voit ce qu'a dit Chirac, c'est quand même pas compliqué. Le 16 juillet 1995, à l'emplacement de l'ancien vélodrome d'hiver, Chirac déclare, ce jour-là, accomplissant l'irréparable, manquant à sa parole, la France livrait ses protégés à leurs bourreaux. Et quand il a dit de façon extrêmement claire que, au fond, la responsabilité nationale était engagée, il a ajouté, nous conservons à leur égard une dette imprescriptible. Jamais Mitterrand n'a prononcé ces mots, et c'est pas par hasard, parce qu'il a dit, je veux me souvenir de cet été 42 qui révèle le vrai visage de la collaboration dont le caractère raciste, après les lois anti-juives de 1940, ne fait plus de doute, sera pour beaucoup de nos compatriotes celui du sursaut, le point de départ d'un vaste mouvement de résistance. Revenons à la commission. Combien de temps ça va durer, ces débats, ces polémiques ? Dans mon souvenir, si nous avons commencé à nous réunir en 1992, nous en avons terminé en 1996. Et pendant ces quatre ans, il s'est produit des changements en France. C'est-à-dire qu'en 1993, il y a eu des élections législatives qui ont porté au pouvoir une majorité de droite. C'est-à-dire que c'est le premier ministre de l'époque en 1993 était Édouard Balladur. Il a succédé à des premiers ministres mitterrandistes. Mitterrand est toujours président de la République. Il le reste jusqu'en 1995. Ce qui veut donc dire que la commission a terminé ses travaux au temps de la cohabitation, la deuxième cohabitation. Et d'ailleurs, le rapport que nous avons remis était destiné au Premier ministre de l'époque, c'est-à-dire Alain Juppé, qui a reçu les membres de la commission à Matignon et auxquels nous avons fait part de nos conclusions. Ce que Klarsfeld présentait comme le fichier des Juifs, c'était en fait un fichier des Juifs, mais ça n'était pas le fichier tel qu'on pouvait l'imaginer. Et surtout... la principale découverte, je crois, aussi de la commission, ça a été de rappeler et de montrer que le fichier des Juifs, celui dont on parlait tant, eh bien, il avait été détruit en 1948. Il avait été détruit et on avait toutes les preuves qui démontraient que ce fichier avait été supprimé à la demande des autorités françaises, c'est-à-dire conformément à la législation en vigueur. D'ailleurs, Serge Klarsfeld a légèrement modifié sa conclusion en disant qu'il pensait que c'était en effet le fichier des Juifs, mais il n'en était plus certain. Voilà. Donc les conclusions du rapport Raymond, c'est de dire, hein, arrêtez d'imaginer qu'on a gardé le fichier juif, le fichier juif il a été détruit, mais ce sont des fichiers de travail, des fichiers de Juifs arrêtés, des fichiers de Juifs recherchés. Voilà, c'est ça qui a été conservé. Bon, du coup, ces fichiers n'ont pas grand intérêt. Et donc, la conclusion de la commission, c'est de dire, ce sont des fichiers qui appartiennent à l'État, il faut donc qu'ils aillent aux archives nationales. Donc là, on est dans une double conclusion qui est totalement contradictoire avec ce que réclame Serge Klarsfeld à l'époque. Et là, le débat... apporté sur la localisation du fichier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en ferait. Et il y avait deux thèses. La première thèse était défendue par Serge Klarsfeld, qui disait c'est un fichier qui concerne les Juifs, donc il voulait que ce soit déposé dans ce qui deviendra plus tard le mémorial de la Shoah. Et les autres membres de la commission, c'est-à-dire René Raymond, l'archiviste qui nous accompagnait, Jean-Pierre Azéma et moi, nous étions favorables au dépôt du fichier aux archives nationales. Pourquoi ? Parce que nous pensions que cela correspondait, si vous voulez, à des archives qui concernaient la nation tout entière et qu'il n'y avait aucune raison de mettre à part des archives portant sur les Juifs, c'est-à-dire que ça aurait été une autre façon de mettre les Juifs à l'écart. Alors là, Klarsfeld a eu beaucoup d'humour. Il a dit, c'est vrai qu'on nous avait mis à part pour nous arrêter et pour nous déporter. C'est peut-être normal qu'on nous laisse les fiches dans un centre de documentation juive. Mitterrand s'y oppose. Quand Chirac est arrivé au pouvoir, Chirac a eu une attitude exactement inverse et il a décidé de faire un centre spécifique des archives nationales auprès du mémorial juif. Ce centre des archives nationales est détenu par le mémorial juif. Voilà, derrière les vitres, c'est un petit peu comme une ambassade dans un pays étranger, le territoire des archives nationales. Et d'ailleurs, vous le voyez, ces vitrines sont fermées à clé. Et les clés sont conservées par les archives nationales qui ont seule autorité à venir ouvrir ces vitrines et à les manipuler en cas de besoin, notamment quand ils répondent à des demandes de prêt, des fiches originales pour une exposition essentiellement. On a 235 609 fiches, très exactement. Ça fait un peu plus en termes de vues numérisées, puisqu'il y a un grand nombre de fiches, notamment pour les camps de Pithiviers, Beaune-la-Rolande et le camp de Drancy, les fiches sont recto verso. Donc près de 300 000 fiches au total qui sont conservées dans ces casiers, ce qu'on appelle des cabriolets en termes archivistiques. Ceux qui ont été victimes des rafles du 16 juillet 42, 16-17 juillet 42, ils ont été arrêtés, internés et déportés. Oui, donc on les trouve, mais la mention... Alors, sur le fichier de Pithiviers Beaune-la-Rolande, vous savez que... pendant la rafle du Veldiv, il y a eu les 12 000 personnes qui ont été arrêtées. Près de 8 000 ont été internées dans le Veldiv pendant quelques jours. Ce sont les familles ou les femmes ou les adultes seuls avec des enfants. Et les adultes arrêtés pendant cette même rafle, mais qui n'avaient pas d'enfants ou les enfants d'au-delà de 16 ans, ont été envoyés directement à Drancy. Ces personnes-là ont été transférées dans les camps du Loiret. Dans les jours qui ont suivi, certains sont restés 2, 3, 4, 5 jours au Veldiv. Et ensuite, ils ont été transférés dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Donc, on va trouver dans le fichier du camp de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, qui est réellement le fichier du camp, avec l'entête, hein, camp de Pithiviers, camp de Beaune-la-Rolande, fait au moment où les internés arrivent dans le camp, ou dans les jours qui suivent immédiatement leur entrée, on va trouver sur ces fiches donc la mention « provenance Veldiv ». Mais les listes qui ont été établies pour procéder aux arrestations, elles, on ne les a pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est les responsabilités de la constitution de ce fichier. Il y a un grand responsable qui s'appelle Carmille. Ce directeur de la démographie, donc des études démographiques en France, hein, et de l'Institut de démographie, le 18 mars 1941, c'est lui qui prend l'initiative de faire ce fichier. Figurez-vous qu'il est mort dans son lit très tranquillement, n'a jamais été inquiété, tout allait très bien, est allé très bien pour lui, et on n'a jamais sanctionné ce monsieur. Tullard a été un peu inquiété à la Libération. Si mes souvenirs sont exacts, je crois qu'il y a eu un procès. Au cours de ce procès, il y a eu quelques semaines de condamnation, où on lui a retiré ses droits pendant un an, je crois, ou un truc comme ça. Mais finalement, Tullard ensuite a été considéré, a continué sa carrière très tranquillement après la guerre. La seule chose qu'on a fait pour lui, c'est qu'on lui a dit que la fonction publique était interdite. Mais il a continué une carrière d'historien, justement, etc. Voilà, c'est assez intéressant parce que on se rend compte que sur cette affaire du fichier, ceux qui ont fait ce fichier juif, qui est quand même un racisme d'État, donc ceux qui sont à l'origine de ce racisme d'État, n'ont jamais été vraiment inquiétés à la Libération. Il y a eu un réveil de la mémoire juive, comme on dit, dans les années 70, et une demande de réparation qui est venue et qui va se focaliser de la part de Serge Klarsfeld chez un type très particulier de responsable de l'État. Ce sont ceux qui, au sein même de l'appareil d'État, ont organisé les rafles. Donc c'est Bousquet, qui était le secrétaire général à la police, c'est Le Guay, qui était son adjoint en zone occupée, qui était... des hommes de l'appareil d'État traditionnel. Alors certes, ils ont été épurés, ce n'est pas des gens qui ont continué à faire carrière dans la haute administration et même dans la vie politique. C'est-à-dire qu'un type comme Bousquet, qui est une sorte de génie de la haute administration, c'était de devenir un notable de la 4e République. La carrière de Bousquet, elle a été clairement brisée par son rôle sous Vichy. Donc, ça ne veut pas dire que, voilà, je ne dis pas qu'il n'y a rien eu, mais il a été quand même blanchi par la justice de la libération. Ça, c'est un scandale. La haute cour l'a condamné à l'indignité nationale, mais l'a relevé immédiatement pour service rendu à la résistance. Donc, le procès Bousquet, c'est un scandale. Bousquet avait fait campagne en tant que dirigeant de la Dépêche du Midi, avait fait campagne pour Mitterrand en 65, et était parmi ceux qui avaient soutenu Mitterrand pendant sa traversée du désert. Et nous, par exemple, en 92, nos militants ont sifflé Mitterrand quand il est venu pour la première fois. C'était la première fois qu'un président de la République venait à la cérémonie du Veldiv, mais il a été sifflé parce qu'on savait que c'était un homme qui était capable de venir, voilà, pour la première fois, mais ensuite peut-être d'aller déjeuner avec René Bousquet, qui avait organisé donner le feu vert au préfet de police pour mener la rafle du Veldiv, et puis qui déposait une gerbe chaque année, pieusement, pour le maréchal Pétain à l'Île-Dieu. Voilà, donc la campagne, il voulait déclencher contre Mitterrand en 90, il nous en a voulu beaucoup. Enfin, il m'en a voulu beaucoup, parce que, bon, considéré comme un ennemi, quoi. Alors qu'il avait été, comment dire, coopératif dans l'affaire Barbie, qu'on avait de bonnes relations. Bon, c'est lui qui a pris l'offensive contre nous, parce que le jugement de Bousquet, nous voulions qu'il soit jugé, et lui ne voulait pas. L'affaire Leguet, Leguet était le délégué de Bousquet en zone occupée et avait autorité sur les préfets dans la zone occupée, dans leurs relations avec les autorités allemandes. Eh bien, ce procès a été ralenti. Dans l'affaire Papon, la procédure a été également ralentie. Eh bien, Mitterrand voulait préserver la paix civile et ne pas regarder en face le passé de la France. La polémique, elle peut continuer. Aujourd'hui encore, on peut se demander si tel ou tel homme politique n'a pas eu des liens avec les autorités de la collaboration. Surtout qu'à cette époque-là, c'était aussi l'époque où le Front National progressait. Et Jean-Marie Le Pen, lui, considérait que, je suppose, parce que je veux pas non plus m'avancer trop, mais enfin, il considérait que Pétain, au fond, avait été un des représentants de la France, et puis qu'on n'avait pas le choix, on avait fait comme ça. Bon, autrement dit, il y avait un côté pétainiste chez Jean-Marie Le Pen, qui, par la suite, a été nettement atténué, d'ailleurs, aussi bien au Front National qu'aujourd'hui au Rassemblement National. Je prends une précaution. Mais ça veut dire que il y a d'autres polémiques qui sont nées, si vous voulez. Donc le fichier lui-même, c'est une affaire oubliée. Je suis pas certain qu'on en parle beaucoup en 2020. Mais d'un autre côté, vous savez, il y a des débats sur des périodes encore plus lointaines. Par exemple, je suis certain que beaucoup en veulent aux Anglais parce qu'ils ont brûlé Jeanne d'Arc. On pourrait aller très loin comme cela. On peut considérer également que certains disent que les Juifs sont responsables de la mort de Jésus, ce qui est tout à fait contraire d'ailleurs à l'histoire. Mais il y a des débats qui en somme parcourent l'histoire de l'humanité, et en ce sens, on ne peut jamais dire que l'histoire est définitivement écrite. Elle est écrite en fonction des documents et des témoignages dont on dispose, mais si par la suite on a d'autres documents ou d'autres témoignages, il peut y avoir en effet des révisions de l'histoire, et c'est en somme la conséquence que l'on peut tirer de cette aventure. Moi, je milite depuis longtemps, toujours, en permanence, pour que la vérité soit faite. Alors, les choses ont avancé. Aujourd'hui, il y a des sujets qu'on ne pouvait pas traiter qui sont abordés. Donc, il y a une prise de conscience. La vérité finit par s'imposer. Pourquoi il faut du temps? Parce que il y a des intérêts particuliers, il y a d'autres souffrances aussi qui s'ajoutent aux souffrances liées à la colonisation. Il y a celle de ceux qui ont dû quitter l'Algérie, par exemple, qui ont la sensibilité parfois à vif. C'est facile pour l'intellectuel, comme je suis, de dire « assurons la transparence », mais cette transparence, elle est parfois cruelle pour tout le monde. Est-il certain que nos manuels scolaires présentent aujourd'hui une vision de la colonisation conforme à la réalité des actes criminels qui ont été commis à ce moment-là? Nous sommes ici à l'Institut du monde arabe. Je n'étais pas le président, j'étais ministre de l'Éducation nationale. J'ai organisé ici même, en tant que ministre, une réunion d'historiens, d'experts, de professeurs d'histoire sur les tortures en Algérie. Et pendant une journée, j'ai présidé ces rencontres pour réfléchir à la façon dont les tortures commises en Algérie par l'armée française pourraient être introduites dans les programmes et dans les manuels scolaires. Et voilà un exemple, si vous voulez. Je pense que, en toute matière, on doit essayer de tenter d'approcher la vérité historique. La guerre. Un petit matin, on cogne à la vitre. Un cri. Debout la putain, fais ta valise et vite. Dehors l'aurore de juillet, grouillée de flics. Mon Dieu, ces Français, plus pourris que les frites. Ils nous ont parqués au vélodrome. Le soleil crachait sur Israël. Et dans les gradins, nos étoiles jaunes qui faisaient honte au ciel. Du Veldiv jusqu'au bus, et des bus aux wagons, des wagons jusqu'au camp terminus. Et pourtant, moi la mort, j'en suis revenu. Et comment on s'en sort? Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais je suis là, et bien là. C'était l'affaire du fichier juif avec André Caspi, Antoine Speer, Serge Klarsfeld, Jack Lang, Laurent Joly, Sonia Combe et Karen Taïeb. Réalisation Somanina, mixage Éric Boisset. Merci à Swad Boukorsa, Archivina Anne Delavaux, coordination Marivonne Abolivier et Perrine Kervran. L'affaire du fichier juif, un documentaire d'Alain Lefkovitch assisté de Juliette Vendier pour la série documentaire. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au mémorial, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast, c'est sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram.